Chapitre 3e. Une visite de Mademoiselle Blandine. Le lendemain et les jours suivants se passèrent fort paisiblement. Chaque matin, Miette arrosait le petit massif de pavots placé au milieu du jardinet de M. Perroton, et plusieurs fois par jour, le dessinateur, penché à sa fenêtre et muni d'une lorgnette, considérait ses pavots et se désolait de voir leurs boutons ne grossir que bien lentement. Selon toute apparence, ils ne devaient s'épanouir que vers la Saint-Jean. Le samedi 18 juin, Miette trouva le placement d'un dessin de Chasuble qu'elle vendit de Louis tant il était beau, et toute joyeuse, elle amena Blandine à Collonges. La jeune fille était contente de revoir les bords de la Saône. Martin Gris, sentant l'écurie, trottait comme un cheval de carrosse. Claudine chantait, et Miette, en tendant les deux louis teintés dans sa poche, se réjouissait d'avance du plaisir qu'aurait son vieux maître à les recevoir. Il fut en effet bien content et accueillit Blandine avec une amitié toute cordiale. « Tu as donc été malade, fillette ?» lui dit-il. « Eh oui, parrain, bien malade. Tu avais pris chaud et froid ?»« Non, parrain, mais j'avais eu un saisissement, un chagrin. »« Un chagrin ?»« Qui a pu t'en faire, ma petite ?»« Ah, parrain, c'est la volonté du bon Dieu. Je ne puis m'en prendre à personne. Mais Pierre a tiré un mauvais numéro et Pierre est parti. »« Pierre, qui est-ce Pierre ?»« C'est mon futur mari, parrain. Maman l'aime bien. » Et mon frère aussi, Pierre est son meilleur ami. Oui, da, mais c'est un enfant de 20 ans, puisqu'il a tiré cette année. Vous ne pouviez songer à vous marier encore. C'est vrai. Aussi, nous pensions bien attendre. Il avait une jolie place chez un négociant, et promesse d'augmentation. Sa mère étant veuve, il ne devait pas tirer à la conscription, mais elle s'est remariée. Il est parti, et 7 ans, c'est bien long. Il se mit à pleurer. Pauvres enfants. Oh, maudite révolution, dit le vieillard. Autrefois n'étaient soldats que ceux qui en avaient le goût, et Dieu sait si on se battait bien. Et bon courage, ma fille, ton promis reviendra. Où est-il ? À Valence, parrain. Il nous écrit une fois par mois. J'ai repris courage, il n'est pas trop malheureux. Comme il écrit bien, son colonel l'emploie et le protège, et sa mère, qui a fait un assez beau mariage, lui envoie de l'argent. Elle ferait mieux de lui acheter un remplaçant. Ah, c'est trop cher. Songez donc, parrain, 2000 francs. « Si je trouvais le pavot bleu, murmura Perroton, cela pourrait bien payer un homme. Viens, ma petite, va-t'en voir mes pavots. Regarde bien si quelques boutons s'entr'ouvrent, si tu vois la couleur des pétales. J'ai encore les jambes trop enflées pour descendre. Vas-y pour moi. » Blandine descendit, examina tous les boutons, pas un ne montrait autre chose que son enveloppe d'un vert légèrement azuré. Elle revint le dire au vieillard. « Ce sera pour la Saint-Jean, » fit-il en soupirant. Aussitôt après dîner, Blandine prit un râteau, prit de vieux gants, et s'en alla nettoyer le petit jardin de son parrain, ce que Miette n'avait pas eu le temps de faire cette semaine-là. Elle éplucha les rosiers, arracha les mauvaises herbes, et arrosa les lys qui commençaient à fleurir. Le bonhomme Perroton la regardait avec plaisir et de temps à autre lui donnait un conseil. « Relève un peu cette clématite, ma fille. Rattache le chèvrefeuille. Tu verras ce soir comme il sent bon après le coucher du soleil. » Coupe la tige de cette digitale, elle a fini de fleurir. Je n'ai que faire de ces graines, et les rejetons s'en développeront mieux. Bien, mais ne te fatigue pas trop, ma petite, il fait bien chaud. Oh non, parrain. Si vous saviez qu'avec quel plaisir je respire l'air des champs, et comme je suis heureuse de toucher des fleurs vivantes, de vraies fleurs. Le lendemain matin, il plut dès le point du jour, et vers 7 heures, Miette, étant allée voir si Blandine était éveillée, la trouva ayant rangé ses outils de fleuriste sur une table et travaillant déjà. « Vous avez apporté de l'ouvrage, dit-elle. Ce n'est pas de jeu ici. Vous devriez vous reposer. Je m'amuse, ma bonne Miette. Je prépare une petite surprise à mon parrain pour sa fête. Je veux renouveler les 2 bouquets qui sont sous globe sur sa cheminée. Et je lui fais de jolies fleurs. Ne me trahissez pas. Dans 2 ou 3 jours, j'aurai fini, sans qu'il s'en aperçoive, en travaillant 2 heures le matin. Faites, ma chère demoiselle. » Moi aussi, je lui prépare une surprise. Je lui ai brodé des pantoufles en tapisserie, où il y a 2 petits chats blancs sur fond rouge. Le cordonnier les monte et je les donnerai à monsieur plein de fleurs et de papillotes de chocolat Casati. Je lui ferai un gâteau. Ah, s'il pouvait voir fleurir un pavot tant soit peu bleu. J'essayais d'y aider. Samedi, après avoir passé au bleu les chemises de monsieur, j'ai arrosé les pavots avec de l'eau bleue. Croyez-vous que ça y fasse quelque chose? Peut-être bien, ma bonne. J'entends monsieur qui m'appelle. « Qu'a-t-il donc ?» Elle courut bien vite vers la chambre de M. Perroton, qu'elle trouva encore couché, qui paraissait fort souffrant. « J'ai grand mal à la tête, dit-il. Je n'ai presque pas dormi. Faites-moi une infusion, ma bonne, et puis vous enverrez chercher le docteur. » Miette se hâta de préparer un bol de tisane des quatre fleurs, où elle ajouta un peu de chartreuse verte, et tout alarmée, pria le voisin Potin d'aller prévenir le médecin. Le docteur Doucet sortait justement de chez lui. Il accourut, examina le malade et lui prescrivit le repos, la diète, force tisane et des pilules fort compliquées, ajoutant qu'en 3 jours il serait guéri. Blandine s'installa près de lui et s'offrit de lui lire la Gazette. Par bonheur, ce jour-là, la Gazette était si ennuyeuse que le malade s'endormit bientôt. Au réveil, il était fort bien, mais les pilules étant faites, Miette exigea qu'il les prît. Elles lui donnèrent une indisposition qui le retint à la chambre jusqu'au mardi soir. Il eut un peu de fièvre, et pendant la nuit du mardi au mercredi, rêva tout haut du pavot bleu. « Ah !» disait-il en dormant, « s'il ne fleurit pas, j'en mourrai de chagrin. » Miette, qui le veillait, se mit à pleurer en entendant ces paroles de mauvais augure. « Hélas !» se dit-elle, « les pavots sont fleuris, tout rouge, rose, violet ou blanc, pas un bleu. Quel chagrin va-t-il avoir, ce pauvre monsieur, et dire que c'est sa fête demain. Il est capable de faire comme il le dit, de se laisser mourir. » La bonne créature ne pouvait supporter cette idée. Vers l'aube, le vieillard s'endormit, et Miette, fatiguée d'être restée immobile toute la nuit, se leva, sortit en marchant sur la pointe des pieds et erra sans bruit dans la maison.